Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2023 concernant vos amours, parce que là on va se concentrer davantage sur vos amours. Donc quel est le conseil de l'oracle de Béline concernant vos amours en avril? Alors, oulala, la coupe elle n'est pas terrible, hein. La coupe elle annonce, elle indique qu'apparemment vous êtes dans une période début avril. De solitude, en couple, d'hésitation, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Si vous êtes seul, eh bien, il n'y a rien de très intéressant qui se profile à l'horizon. Mais on va voir quel est le tirage, puisque ça, la coupe, elle colore le jeu, elle ne fait pas tout. Amour, poisson, avril 2023. Oui, bon, bah, le mois d'avril, il n'est pas génial pour vous. Comme quoi, je ne dis pas que du positif à tout le monde. Mais bon, ça changera hein, d'un mois à l'autre. C'est vrai que là, on voit qu'il y a de la déprime. Alors peut-être que, vous voyez, vous avez pu vous sentir un peu trahi dans le comportement de l'autre, dans votre relation. Et il y a de là, vous avez tendance un peu à déprimer et à ne pas à vous sentir frustré, frustré. Voilà, c'est surtout cela. Et au-dessus de vous, bah, qu'est-ce qui rayonne? C'est le cloît. Donc il y a bah, cet isolement que vous ressentez. Donc on peut être se sentir seul même à deux et bah, ce malaise en fait et cette tristesse intérieure. Alors tout ça, c'est vraiment pas gai. Mais heureusement, la dernière carte, celle de la conclusion, c'est quand même les honneurs, le soleil. Donc moi, je dirais que le conseil ici, il est de, vous devez absolument faire appel à votre fierté, réclamer ce qui vous est dû et ne vous laissez pas faire parce qu'il y a un peu d'abus ici. Vous êtes un peu trop gentil, un peu trop gentil et c'est vrai qu'il y a un peu d'abus de la part de votre partenaire. Donc n'hésitez pas à bomber le torse et à réclamer ce qui vous est dû. Et là, normalement, vous voyez, parfois, il suffit de dire les choses. Donc, ne restez pas dans votre coin à bouder, ça ne sert à rien, parce que l'autre ne va rien comprendre. Par contre, vous voyez, là, on a des discussions. Alors, attendez, bon, vous ne voyez pas. Comme ça, vous voyez. On a des discussions, la générosité qui revient, mais vraiment très très importante, qui revient grâce à des discussions. Il est même possible que votre partenaire vous fasse un cadeau pour se rattraper. Donc voilà, c'est excellent. Alors si vous êtes célibataire, bien c'est vrai que c'est pas du tout le bon moment. Avril, c'est un peu tristoun, surtout qu'il fait beau et tout. Donc vous allez être un petit peu dans la mélancolie et l'envie d'une relation amoureuse. Mais il va vous falloir patienter. Sortez, voyez des amis qui vous feront du bien. Et sinon, eh bien de toute façon, les choses bah, commencent à s'améliorer lentement mais sûrement. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes pour ce mois d'avril. À bientôt!